Chapitre 20e, la bienfaitrice. Le jeune homme ordinaire, lancé dans le monde la bride sur le cou au sortir de l'adolescence, fait d'habitude quelques sottises, mais il apprend du moins à se conduire et gagne à ses dépens une certaine expérience. Claude, c'était un jeune homme fort ordinaire. Il était même plus niais, crédule et vaniteux que la plupart des garçons de son âge. Mais sa nature fruste et violente aurait eu besoin, pour se développer normalement, d'un autre champ que celui que lui offrit la destinée. Son père, ses deux grands-pères, tous ses oncles paternels et maternels, étaient ou avaient été pasteurs. Il lui fallut donc le devenir aussi et adopter la sombre rose de l'église luthérienne, alors que l'uniforme de soldat ou la blouse du paysan auraient fait de lui sans doute un homme plus honnête et plus heureux. Passant de la discipline de fer du collège à la tutelle de Manske, il n'apprit rien de la vie, et tous les ferments qui produisent les habituelles folies juvéniles demeurèrent comprimés, lui causant de cruelles tortures, tandis que le pasteur l'entretenait pieusement des joies réservées aux élus dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, quelle bonne blague, pensait Klutz, assoiffé des joies de ce monde. Et il écoutait les exhortations de son mentor dans un mutisme que le digne homme interprétait de la façon la plus favorable. « Notre jeune candidat pense beaucoup, » disait-il confidentiellement à sa femme. « C'est un contemplatif, un homme de peu de mots, mais le fond est supérieur. » La pastorine ne répondait que par un haussement d'épaule. Les allures de Klutz la déroutaient. Peu charmé au début par la voracité de son pensionnaire, voracité qui dépassait tout ce qu'elle avait vu chez des générations de candidats se succédant sous son toit, elle était également mécontente aujourd'hui de le voir se faire prier pour manger, même se détourner avec horreur des mets succulents qu'elle avait pris soin de préparer. Il s'était mis en outre à veiller pour écrire jusqu'à les heures indues, consommant sans compter le luminaire, comme naguère il dévorait confiture et leberwurst, saucisse de foie. « Il faut que vous soyez malade, » dit-elle enfin un jour au Klutz, plongé dans un silence farouche, avait refusé toute nourriture au repas plantureux de l'après-midi. « Malade ?» s'écria le candidat avec un rire amer. « Dites que je me consume, dites que je meurs !» Et il cacha sa tête dans ses mains, au grand effroi de Frau Manske, qui le crut décidément fou. Il était en tout cas complètement hors de son assiette. Cette grande passion dont il rêvait depuis sa sortie du collège s'était abattue sur lui sans miséricorde. Depuis le moment où la radieuse Miss Anglaise lui avait souri du haut de l'antique équipage de Kleinwalde, il n'avait plus rêvé qu'à elle, et le tiroir de sa commode regorgeait des poèmes incendiaires dans lesquels il avait versé les émotions incohérentes qu'on nomme amour à 20 ans. Mais à partir du moment où Letty se mêla de ses affaires, le mal prit des proportions inquiétantes. D'abord, avec la composition et l'envoi du quatrain, marchèrent les alternatives d'attente, de fièvre, d'espoir et de désespoir qui accompagnent d'habitude ce genre de démarche. Puis vint la joie délirante de la réponse. Trop simple d'esprit, trop dénué de tact ou de jugement pour soupçonner même l'énormité de sa présomption ou le ridicule de sa méprise, il donne en plein dans le panneau ce cru de bonne foi aimé et accepté. Des timides dénégations qu'on lui opposait, il ne tenait nul compte, c'était dans l'ordre. C'est ainsi que la femme dissimule son ravissement avant de rendre les armes à son seigneur et maître. Quant aux obstacles, il les méprisait tout simplement. La position, il n'était pas, il est vrai, de noble naissance. Mais n'y a-t-il pas une autre noblesse bien plus précieuse, celle du génie? Et quel titre peut se comparer à celui de poète? L'âge de Miss Estcourt, sans doute, elle avait quelques années de plus que lui. Mais qu'importait cette objection si lui, le principal intéressé, n'en avait cure? Non, Anna, plus de barrières entre nous. Nous serons unis. Nous ne formerons plus qu'un seul être harmonieux, criait-il avec ivresse, prenant à témoin le ciel, la terre, les arbustes et la cage à poules du petit jardin pastoral. Dans son ardeur, il voulait courir sur l'heure à Kleinwalde, se jeter aux pieds de sa dame. Il fallut toute l'énergie de son élève et complice pour le retenir. 2 jours s'écoulèrent dans ce délire, et voilà que soudain, en plein extase, il recevait un billet glacial de Miss Leach, l'informant que les leçons d'allemand de Miss Letty Estcourt étaient suspendues. Il pensant perdre le peu de cervelle qui lui restait. Et Frau Manske n'était guère éloignée de la vérité lorsqu'elle jugea que son pensionnaire était en train de devenir fou. Incapable de supporter plus longtemps la vue de cette estimable matrone ou celle du presbytère, il se leva soudain de table avec une exclamation étouffée et enfonçant son feutre mou sur son crâne en ébullition, il s'élança au dehors, sans trop savoir encore ce qu'il voulait, mais prêt à toutes les extravagances. Ah, on les séparait, on les persécutait, eh bien on verrait. Il leur apprendrait à tous ce que peut un homme transporté d'amour. Nuit et jour, il entrait ses bois, les alentours de la demeure qui abritait son idole, cette route où pour la première fois il la vit, où ses yeux, ses étoiles jumelles, allumèrent en lui des feux qui ne s'éteindraient qu'avec sa vie. Longtemps il erra sans but, déclamant et divaguant de toutes ses forces. Le soleil qui tapait sur sa tête et son jeûne prolongé achevant de déséquilibrer ses facultés. Et soudain, il prit à grands pas le chemin de Kleinwald. Cependant, à mesure qu'il approchait du château, une certaine angoisse, un besoin de se sentir encouragé et soutenu s'emparait de son âme faible. La route était solitaire, et il eût aimé rencontrer beaucoup de gens, les prendre témoin de ses joies et de ses douleurs. Son poème lui brûlait la poche, il aurait voulu le montrer à tout venant. À quoi bon s'entendre dire ces douces choses si personne ne devait les connaître? C'était bien la peine d'être virtuellement fiancé à la dame de Kleinwald, si nul mortel ne le soupçonnait. Arrivé devant la maison, il ralentit le pas et fixa les yeux sur les fenêtres. Pas une âme n'y parut. Il attendit un peu. Puis le souvenir du talisman qu'il portait vint lui donner du cœur. Allons, courage. Plus d'hésitation puérile. Un homme avant un autre, quelle que soit sa naissance ou sa fortune. Traversant le gazon, il arriva à la porte et tira fortement la sonnette qui fit entendre un carillon éclatant. Une servante parut. Mais à peine eut-elle aperçu le candidat, « Nicht zu Haus, pas à la maison, » cria-t-elle. Elle referma la porte. « Ekelhaftes Benehmen, repoussante conduite, » rugit Klutz, qui jugea qu'on lui avait manqué d'égard. Et son cerveau affaibli par le jeûne et l'insomnie inaccoutumée, ne lui dictant plus que des actes insensés, il se rua sur la porte close, saisit le marteau et se mit à frapper à coups redoublés, éveillant rudement les échos endormis de la vieille demeure. Il entendit derrière lui un pas précipité et tournant la tête, frappant toujours à tour de bras, il vit accourir Delwig. « Bertuchou ! » crie le régisseur au comble de la surprise. « Le garçon a perdu l'esprit. À qui en a-t-il ? » Le feu serait-il au presbytère ou si le vieux Frocard est tombé en apoplexie ? Et saisissant le candidat au collet, il se mit à le secouer d'importance afin de ramener de l'ordre dans les idées. Klutz le regardait, hébété, sentant sa rage tomber par degrés. Puis, comme il n'avait que 20 ans, qu'il n'avait rien mangé de la journée et qu'à son avis, il avait été cruellement traité, il se mit soudain à pleurer à grosses larmes comme un enfant. « Allons bon, à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, grande bête ?» cria Delwig, le secouant de plus belle. Klutz, secoué de sanglots convulsifs, la figure enfouie dans son mouchoir à carreaux, était incapable de prononcer une parole. « Voyons, finissons-en !» fit enfin le régisseur, après l'avoir considéré quelques instants en silence, il faisant rudement dégringoler les marches du perron. « Venez un peu par ici, mon garçon. Si vous êtes fou, on vous mettra la camisole de force. Si vous n'êtes pas, l'Amsforchter vous infligera une bonne amende pour tapage diurne, sinon nocturne. Vous avez de la chance que ces dames soient sorties. Leurs seigneuries sont allées goûter dans ces bois. » Klutz tenait à peine debout. Il suivit Delwig en titubant, s'appuyant lourdement sur son bras. « Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ce que l'amour, » murmura-t-il avec effort, d'une voix étranglée. « Ouais, c'est donc là le pot aux roses. C'est l'amour qui vous porte à tout casser. Peste, nous avons les passions vives. Et peut-on savoir quelle est la dame de vos pensées ? La petite chambrière ou le gros cordon bleu ?» poursuivit Delwig, gouailleur. « La chambrière ?» rugit Klutz, galvanisé par la colère. « La chambrière !» D'une main fébrile, il fouilla son gilet, prit dans une poche intérieure son précieux papier et le déploya brusquement sous les yeux du régisseur. « Là, est-ce d'une chambrière, hein? Est-ce d'une chambrière ?» Saisissant le papier, Delwig l'examina avec attention. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de l'allemand, » fit-il. « C'est de l'anglais !» prononça Klutz triomphant. « Quoi? L'institutrice ?» commençait Delwig, mais le doigt tremblant du jeune homme désignait la signature. Oh, la joie de ce moment! Il se sentit payé de toutes ses peines. « Anne ? » fit Delvig. Anna? Mais c'est le nom de Miss Estcourt. Ça l'est, confessa modestement l'amoureux. Et comment un papier signé d'elle se trouve-t-il entre vos mains? Comment? Parce qu'elle me l'a envoyé, parce qu'elle l'a écrit pour moi, parce que ces fleurs dont témoignage pour vous? Interrompit Delvig au comble de la surprise. Miss Estcourt a écrit de la poésie pour vous? Elle vous a envoyé des fleurs? Il considérait de la tête aux pieds le candidat avec un étonnement des moins flatteurs. Et pourquoi diable a-t-elle agi ainsi? Vous le demandez? Parce qu'elle m'aime. Miss Estcourt vous aime? Oui, nous nous aimons. Une entente secrète nous unit. Avant longtemps, je régnerai en maître dans ces lieux, sur sa personne. Tenez, retirons-nous dans un endroit propice où je puisse vous parler sans témoin. Je vous traduirai ces lignes. Vous verrez, vous verrez. Venez donc, s'écria le régisseur après un instant de réflexion. Il se mit en marche vers sa demeure sans lâcher le précieux papier. De sa vie, Klutz n'avait passé de moments aussi enivrants que ceux qu'il employa à traduire les fusions poétiques de Letty aux époux d'Elvig, l'écoutant bouche bée. Ces orgueilleux, ces exclusifs d'Elvig. Les voir suspendus à ses lèvres dans ce même salon où il n'avait jamais été admis que par grâce, où il s'était vu relégué dans les coins, oublié à l'heure du souper, traité avec un systématique dédain, quel rêve! Quand il eut fini, trop tôt à son gré, il se tourna vers eux avec un sourire de triomphe. La femme ébauchait déjà quelques exclamations, mais Delvig, qui venait de faire son plan rapidement, lui imposa silence. « Tiens ta langue, femme » dit-il rudement. « Et vous, jeune homme, assez de falaises. Apprenez que Miss Estcourt est fiancée à Monsieur Delhomme. »« Fiancée? Fiancée à Herr von Lohm ?» répéta Klutz, hagard. « Oui. » La chose n'est pas officiellement annoncée, mais n'en est pas moins sûre, certaine, hors de doute. « Ah, c'est indigne, c'est scandaleux !» s'écria Madame Delvig. « Toi, silence !» répéta le mari, frappant du pied. « Et elle acceptait mes fleurs, mes offrandes poétiques. Elle m'écrivait ce que je viens de vous traduire, tandis qu'elle était promise à un autre !» s'écria dramatiquement le candidat. « C'est la plus éhontée coquette !» glapit la ménagère, pleine d'une vertueuse indignation. « Ah, ça te tairas-tu » fit l'époux, roulant des yeux, et essayant en vain, par une mimique furibonde, de faire comprendre à sa moitié que ses critiques étaient hors de saison. Puis revenant à Klutz, il lui assénant jovialement sur l'épaule un coup à assommer un bœuf. « Allons, jeune homme, tâchez de retrouver votre raison. Laissez-la toute pensée de Miss Estcourt. Elle n'est pas pour vos dents, mon petit loup. C'est pour vos maîtres. » qu'elle a été créée et mise au monde. Il faut être candidat, ma parole, pour se mettre de pareilles idées en tête, et deux fois candidat pour croire que les autres vont couper là-dedans. Bon. Voilà son cœur de poulet qui lui manque. Comme l'autre s'affalait sur le dossier de sa chaise. Vite, femme, un verre d'eau de vie. Allons, vivons cela, et rentrons dans notre bon sens, si c'est possible. Et il forçait l'infortuné Klutz à avaler une forte rasade spiritueux. Habitué à ne boire que du lait ou de l'eau pure, le candidat sentit bientôt comme un feu liquide courir dans ses veines. « Écoutez, » reprit Delvig, quand il le vit suffisamment échauffé, « vous ne pouvez vous laisser bafouer de la sorte, il faut vous venger. »« Me venger ?» balbutia Klutz. « Elle ? Ce n'est pas de Miss Estcourt que je parle. Pour qui me prenez-vous ? » fit le régisseur avec un grand déploiement de dignité. « Non, jeune homme, c'est à son Brautigam, à son fiancé. » C'est à Herr von Lohm qu'il faut vous en prendre. Ce sera plus digne d'un homme, et d'ailleurs, votre vengeance l'atteindra, elle, en même temps que lui. Allez le trouver, allez lui montrer votre petit papier, il l'intéressera beaucoup. Riant grossièrement, il se mit à taper à coups redoublés sur l'épaule de Klutz, ne s'interrompant que pour se frotter les mains avec ivresse. Ha ha, il les tenait tous les deux. Elle qui avait osé lui tenir tête, et lui qui était venu se mettre en travers de ses projets. Comment l'orgueilleux gentilhomme supporterait-il ce coup? Comment son chatouilleux honneur s'accommoderait-il de voir sa fiancée la risée du pays? D'apprendre qu'il s'était de gaieté de cœur compromise avec cet imbécile, ce benêt, ce grotesque. L'homme n'épouserait jamais une jeune fille dont la réputation aurait souffert l'ombre d'une atteinte, une jeune fille capable d'envoyer des poulets à des candidats. Et une fois la brouille consommée entre l'homme et Kleinwald, pourquoi la bonne petite vie d'autrefois ne reprendrait-elle pas son cours? Delvig, naturellement, garderait sa place, il redeviendrait le seul conseiller de sa jeune maîtresse, il ferait bâtir sa briqueterie. L'avenir lui parut couleur de rose. Tout en se promenant de long en large, il se frottait les mains, riait sous cape, fredonnait entre ses dents un air de gigue. Et sa femme, qui persistait à s'exclamer contre Miss Escort, devant cet idiot qui ne manquerait pas de le redire partout. Intelligente d'habitude, pour une femme, elle se laissait aveugler par la rancune et oubliait son intérêt. « Les voilà bien, toutes les mêmes, les cheveux longs et l'esprit court, selon le mot fameux, toujours guidés par leurs nerfs, leurs impulsions et jamais par la raison souveraine, idiote !» Et lui lança un regard de colère. Mais rencontrant au chemin la forme de Claude s'affaler sur sa chaise, la lèvre pendante et l'œil stupide, cette expression furibonde se changea en un joyeux sourire. « Allons » fit-il en le secouant. « Debout ! Prétendez-vous rester là jusqu'au jugement dernier ? À votre place, je me dépêcherai. Au lieu de laisser nos deux tourtereaux se becter en se gaussant de vous, car vous pensez si elle lui a dit la bonne blague qu'elle vous a faite, et s'il rit tous deux à vos dépens. « Vous avez raison !» s'écria Klutz, bondissant sur ses pieds et boutonnant sa longue redingote d'un geste farouche. « Je cours de ce pas demander une entrevue à ce l'homme. » Mais il s'arrêta soudain, glacé par un doute. « N'est-ce pas ? J'ai été maltraité, honteusement bafoué ?» demanda-t-il, piteux et hésitant. « Mal ? Dites d'une façon cruelle, féroce ? Ma foi, ce ne sera que justice de la reprendre un peu à vivre. Allons, encore une goutte d'eau-de-vie, et bon courage !» Klutz demeura un instant immobile, indécis, puis saisissant brusquement le verre d'alcool, il le vida d'un trait et s'élança dehors, sans même prendre congé de ses hôtes. Ceux-ci le virent passer sous la fenêtre, le chapeau enfoncé sur les yeux, la face livide, les oreilles enflammées. « Voilà bien le plus grand imbécile que j'ai jamais rencontré !» s'écria Delvig. « Mais son ânerie va nous rendre un fier service. » Et à propos d'imbécile, je n'en veux pas chez moi, entendu, grande bête. » Et se tournant rageusement vers sa femme, abasourdi, il se mit en devoir de lui expliquer, avec une franchise toute conjugale, la triste opinion qu'elle lui avait donnée de ses facultés intellectuelles.